Alors, nous en sommes à cette seconde partie du forum d'information sur les projets de regroupement dans le SR francilien. Nous allons d'abord écouter Pascal Maillard sur les intérêts et limites du modèle associatif à partir de l'exemple alsacien. Donc, on ne présente pas Pascal. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis membre du conseil d'administration de l'Université de Strasbourg et secrétaire académique du SNESUP-FSU pour l'Alsace. J'ai un petit peu modifié l'objet de ma communication. J'ai eu la chance d'avoir accès au projet de statut de la commune de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Et je vous proposerai une intervention intitulée de la façon suivante « Deux exemples de regroupement, l'Université Bourgogne-Franche-Comté et l'association alsacienne UNISTRA-UHA, Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace ». Le débat intense autour des regroupements et les analyses contradictoires auxquelles ils donnent lieu ne doivent pas nous faire oublier la strate administrative et politique qui sous-tend la logique de réduction du nombre d'universités, à savoir la politique de site et plus globalement l'entreprise de régionalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette entreprise est étroitement couplée, vous le savez, avec l'acte 3 de la décentralisation, la création de grandes métropoles, et même d'eurométropole, la réforme territoriale et bien sûr les contrats de plan État-région, CPER, eux-mêmes directement orientés par Bruxelles à travers les SNRI, c'est-à-dire les stratégies nationales et régionales de recherche et d'innovation pour la spécialisation intelligente. Les stratégies RIS3 en abrégé. Et c'est dans ce cadre que doit être inscrit l'objectif politique clairement affiché par le gouvernement français de passer de 80 universités à 25 regroupements. Et c'est aussi dans ce cadre que doit être compris le primat accordé aux communes et le forçage juridico-politique dont elles font l'objet. Si seules les communes et les fusions formalisent la création de nouvelles universités, alors que les associations conservent l'autonomie des établissements associés, il faut bien reconnaître que l'obligation qui est faite à chaque région d'avoir un contrat de site soumet les trois formes de regroupement à un même levier politico-administratif, le contrat unique. Cette force de contrainte de la loi exerce, j'y insiste, ses effets sur la forme association comme sur la forme commune. C'est un point qu'il convient de ne pas perdre de vue quand on se lance dans une démarche de comparaison de ces deux formes de regroupement. Alors, après quelques observations sur des incohérences législatives, j'analyse rapidement deux exemples que j'appellerai antagonistes de regroupement. Tout d'abord, l'Université Bourgogne-Franche-Comté, dont la radicalité du projet des statuts est probablement exemplaire dans la mesure où elle devance de loin les attentes de nos politiques. Ce sont des statuts de communes absolument calamiteux. Puis l'association alsacienne UNISTRA-UHA, dont j'aimerais souligner rapidement l'intérêt et les limites. Alors, premier point, ce que j'ai intitulé là, très simplement, la disparition de 50 universités. Alors, la loi, vous le savez, introduit de très nombreuses contradictions et des contradictions qui n'ont, dont certaines d'entre elles n'ont peut-être pas retenu suffisamment l'attention évidemment du législateur, mais aussi des lecteurs universitaires. Ainsi, par exemple, les délégations de compétences et les pouvoirs propres des communes pourraient remettre en cause la définition même des EPSCP telle qu'elle est formulée par l'article 711.1 du Code de l'éducation. Je cite « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. » Que reste-t-il de cette autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière des universités et établissements membres d'une commune? Qu'en reste-t-il? Le caractère délibératif des décisions du CA de la commune et la valeur purement consultative des votes dans les CA des universités et établissements membres implique une négation de leur autonomie. La seule autonomie qui subsistera sera celle du nouvel établissement créé par la commune. Ainsi encore, le Code de l'éducation contient des incohérences conduisant à la négation même du concept d'établissement. Les contrats d'établissement, dits d'établissement, ne sont plus des contrats d'établissement, mais bien des contrats de regroupement. L'article 718.5 dispose en effet, sur la base du projet partagé prévu par l'article L718.2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L711.1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis des conseils d'administration de chacun de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement. Quel est le contractant? Le contractant est donc bien la commune, dont les établissements, entre guillemets, membres, se voient dessaisis de tout pouvoir délibératif sur le contrat dit d'établissement. Il convient d'en tirer logiquement la conséquence suivante. Les universités et établissements membres des communes perdent les pouvoirs et attributs de personnes morales et disparaissent comme universités et établissements autonomes. Le dernier alinéa de l'article 718.3 dispose « La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et d'établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale. Dans la logique de la loi, cette dérogation aurait dû évidemment être étendue, je dis bien dans la logique de la loi, aurait dû être étendue à tout le territoire français, y compris dans le cas d'associations. Car il existe des territoires où des établissements seront associés à une commune sans en être membres. Il existe aussi ou il existera probablement des territoires où il y aura des regroupements distincts par association. Mais le ministère et Simone Bonafoux font tout pour que cela ne soit pas. Un regroupement par région, pas plus. Toute aide qui dépasse sera coupée, voire, et on va le voir, un seul établissement pour deux régions. C'est que le concept de territoire est extensif pour le législateur. Or, un territoire n'est pas en France, à ma connaissance, une entité administrative. Territoire français, territoire, on ajoute un adjectif régional, même les territoires d'outre-mer n'existent plus, ont été remplacés par des collectivités. Donc, le territoire n'est pas une entité administrative, mais le concept flou, et je dirais presque le concept fou, du démantèlement de l'ESR en vue de faire disparaître 50 universités. C'est bien ici la logique profonde de la loi de juillet 2013. Les socialistes ont inventé ce que j'appellerais, en jouant un peu, le flou efficace et l'incompétence stratégique, soit une forme d'intelligence perverse qui consiste dans la production des textes législatifs à générer des conflits d'interprétation qui sont autant pour nous de pièges à division. Je vous parle maintenant, dans un deuxième temps, de cette commune incroyable UBFC. Et j'intitule ça, je ne sais pas comment, la commune UBFC ou la mort de la démocratie universitaire ou encore le rêve de Fioraso. La commune Bourgogne-Franche-Comté rassemble deux régions qui correspondent à deux académies, les académies de Dijon et de Besançon, un territoire de 47 000 km², soit un 13e du territoire français, quatre fois celui de l'Île-de-France. Les incidences sur la mobilité étudiante et l'administration géographique de ce nouvel établissement unique sont évidemment majeures. Le contrat pluriannuel d'établissement sera unique pour un site, et j'y insiste, qui ira de la lisière de l'Île-de-France aux marches de l'Alsace. Autant dire que la belle idée d'un enseignement supérieur et de recherche de proximité aura volé en éclats si un tel monstre devait voir le jour. Alors, qu'en est-il de l'actuel projet de statut de la commune Bourgogne-Franche-Comté ? Alors, j'analyse ici la version zéro qui passe ce jour au comité technique d'établissement de l'Université de Franche-Comté et demain au comité technique de l'UTBM, l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Alors, l'UBFC est définie juridiquement comme une communauté d'universités et d'établissements. C'est un EPSCP selon les termes de la loi. Cette nouvelle université est composée de 7 membres fondateurs, 2 universités, l'université de Bourgogne, c'est Dijon, l'université de Franche-Comté, Besançon, une université de technologie, l'UTBM, 3 écoles et un institut. 7 donc. Mais un 8e membre est signalé en rouge dans cette version 0 avec la mention « en discussion ». Et ce 8e membre est le CNRS. De même, avec un point d'interrogation, le directeur du CNRS pourrait faire partie du conseil des membres de la commune. Il faut bien mesurer la conséquence de l'entrée du CNRS comme membre à part entière dans les regroupements d'universités. Ce serait la fin totale de la mission et du rôle national de recherche pour le premier organisme de recherche européen. Et on va tout droit vers ça. La commune UBFC est une université de plein exercice, semblable en tout point à une autre université. Son président, élu par le CA, a les mêmes compétences que tout président. Je lis par exemple l'article 21, les compétences du président. Le président dirige l'établissement. À ce titre, il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat de site pluriannuel. Il représente UBFC à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du BFC. Il a autorité sur les personnels du BFC, il affecte dans les différents services du BFC les personnels de bibliothèque, ingénieurs administratifs, techniciens sociaux et de santé, BIATS. Il nomme les différents jurys pour les formations propres à UBFC et pour le recrutement de personnel propre. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'enceinte du BFC. Il exerce au nom du BFC les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments au personnel en situation de handicap, étudiants et personnels, etc. Vous avez entendu, comme moi, qu'il prépare et met en œuvre le contrat de site pluriannuel. Comme tout autre président, il est assisté d'un bureau composé du président du conseil académique, d'un VP chargé des ressources numériques et deux VP délégués, sans plus de précision. Je remarque que le seul VP en titre est celui chargé des questions numériques. Et ça, évidemment, ça fait sens par rapport à la politique de Fioraso. Le DGS, comme toute université, un directeur général des services, et le directeur de cabinet assistent aux réunions du bureau. Si le conseil des membres exerce un rôle consultatif, son pouvoir d'orientation est important. Il prépare les travaux et la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il approuve à la majorité des deux tiers le contrat de site pluriannuel, et ceci préalablement à tout vote au CA. Autrement dit, et c'est ici, me semble-t-il, la différence majeure avec le fonctionnement d'une université telle que nous l'entendons, le conseil des membres, composé des seuls présidents et directeurs d'établissement, apparaît comme une instance qui surplombe et oriente le conseil d'administration avec à sa tête un président tout puissant, le président des présidents et directeurs, également président du CA, qui peut saisir le conseil, je cite, sur toute question de son choix. Alors, imaginons maintenant un instant les dérives du présidentialisme actuel de la loi LRU, élevé au carré sur le périmètre d'une université commune de, par exemple, 15 membres, avec 80 000 étudiants et 10 000 personnels. Et ceci sans contre-pouvoir, ni parfois même de représentation au sein du CA. Et j'y arrive. Pour parler donc un peu de la composition du CA de l'UBFC, 45 membres en tout, celui-ci ne comportera parmi les 24 élus au suffrage direct que 6 EC de rang A, 6 EC de rang B, avec comme règle de composition des listes, l'obligation de faire alterner un candidat Université de Bourgogne, un candidat Université de Franche-Comté et un candidat autre établissement. Conséquence inévitable, seuls 2 établissements sur 5, hors les grandes universités, puisque je vous rappelle qu'il y a 7 membres, seuls 2 établissements sur 5 disposeront d'élus A ou d'élus B au CA de la commune. Par exemple, l'UTBM pourrait très bien n'avoir aucun élu enseignant-chercheur au sein du CA de la commune. Alors, ce problème gravissime de représentation se pose bien évidemment pour toutes les communes. L'alternative est la suivante, ou des CA pléthoriques ou des CA non démocratiques. Dans l'un et l'autre cas, on n'échappe pas à la monstruosité. Alors peut-être qu'elle est plus grande dans le second cas. Il est aussi prévu un corps électoral propre à la nouvelle université créée, à l'UBFC, c'est-à-dire des personnels exerçant leurs fonctions au sein de la commune, hors université ou établissement membre. Mais sa représentation dans les statuts n'est pour l'heure pas spécifiée, laissant la porte ouverte à de multiples recours. J'en arrive au plus important. Le transfert des compétences, qui est en général le point névralgique de la rédaction des statuts de commu. Il n'y aura pas de névralgie dans le cas qui nous occupe, mais une mort subite de la démocratie, comme si les rédacteurs en avaient même oublié l'existence de la démocratie. Les statuts de l'UBFC comportent en effet une triple originalité dont on appréciera la radicalité. Premièrement, il n'est plus question de transfert de compétences, mais d'exercice de mission. Deuxièmement, les missions exercées par la nouvelle université correspondent à la totalité des compétences et missions assurées par toute université. Ils sont allés jusque-là. Troisièmement, l'exercice de toutes ces missions commence à la date de création de l'UBFC. Autrement dit, le vote de ces statuts par les CA des membres conduira ipso facto à la délégation totale et irréversible de toutes les missions et compétences. Je n'ai pas trouvé de domaine significatif dans les longues listes qui échapperait aux compétences du nouvel établissement. Ça va jusqu'à l'apposition du nom UBFC à la totalité des diplômes, la délivrance de diplômes propres à cette nouvelle université, le portage de la totalité des accréditations, la politique relative à l'habilitation à diriger les recherches, la répartition des contrats doctoraux entre les établissements, la création de groupes de recherche propres, la fixation, tenez-vous bien, et l'attribution des dotations globales de fonctionnement, je cite, hein, attribution, fixation et attribution des dotations globales de fonctionnement au laboratoire après versement à l'UBFC par chaque établissement de ses crédits récurrents. Donc c'est la nouvelle université qui va recueillir les crédits récurrents de la recherche pour les redéployer comme elle l'entend aux différents laboratoires. La signature et la production scientifique de ses doctorants et de ses personnels, le portage et la coordination des projets investissement d'avenir, etc., etc. On l'aura compris, il ne s'agit plus de délégation ni de transfert, mais d'une auto-appropriation par l'UBFC de la totalité des compétences et missions de ses membres, y compris de certains moyens financiers et récurrents. Il est même permis, il est même stipulé dans ses statuts que l'UBFC aura la possibilité de délocaliser certaines de ses actions ou missions à l'étranger. Oui, oui. Donc, c'est une université qui va délocaliser. Il faudra donc, là je suis un petit peu plus grave, il faudra donc que les représentants du CTE, des CTE et tous les élus des établissements amenés à se prononcer sur ces statuts mesurent bien leurs responsabilités et tout ce que leur vote engagera aujourd'hui, là, en ce moment, demain, à l'UTBM et dans les semaines qui viennent dans les autres établissements. Alors, je n'imagine pas un seul instant qu'un représentant syndical dans un CTE puisse approuver de tels statuts, et pourtant, je sais qu'il y en aura. Alors, je le dis avec une certaine gravité, ceux qui apporteraient alors un concours actif aux grandes œuvres des fossoyeurs de l'université auraient une responsabilité considérable. Quelques mots pour terminer sur l'association alsacienne. J'ai titré ça une convention sous perfusion du contrat de site, plus justement sous influence du contrat de site. Avec un préalable pour commencer, la forme association exige probablement la plus grande prudence dans l'évaluation de ce qu'on en peut faire. Elle ne peut pas constituer un modèle de regroupement parce que la spécificité du modèle associatif est justement de ne pas pouvoir avoir de modèle, y compris dans la loi et le code de l'éducation. Car la convention, une convention d'association, est toujours fonction du nombre de partenaires et de ce que chacun veut y mettre, selon un projet partagé, au pire âprement négocié, au mieux librement consenti. Elle peut conduire au meilleur comme au pire. Sa souplesse et ses avantages ont été maintes fois soulignés, au regard en particulier d'un projet qui serait de type fédéral. À la différence des communes, elles échappent à une instance qui surplombe les membres du regroupement et annihile la démocratie et l'autonomie, comme on l'a vu avec l'exemple de Bourgogne-Franche-Comté. À la différence des communes, elles offrent des possibilités de sortie ou de modification. À la différence des communes encore, elles permettent aux membres de garder leur pleine entière personne morale, des CA qui demeurent délibératifs, ainsi que leur autonomie administrative et financière. Et c'est bien le cas de l'association Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace, dont la convention a été signée le mois dernier, après adoption par les CA des deux établissements. Le préambule souligne l'engagement des deux universités, je cite, « dans une vision commune et co-construite de l'avenir du site Alsace, dans le respect de l'autonomie de chacun ». Les premiers objectifs sont les suivants. La mise en œuvre d'un projet universitaire partagé dans ses aspects formation et recherche sur des champs disciplinaires communs ou complémentaires. Une lisibilité accrue de l'offre régionale de formation, la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants. À la première lecture, il semble que cette convention soit très respectueuse des valeurs et des procédures, on va dire, de partage, de coordination, de concertation, de projet commun, autant de termes qui reviennent de façon récurrente dans la rédaction de ce texte. Même les co-accréditations des écoles doctorales ou le développement coordonné des offres de formation sont gages de respect et d'autonomie des établissements associés. Enfin, les procédures de partage des ressources, les mutualisations limitées, progressives, je cite encore, et concertées, sont propres, seraient propres à lever les craintes de ceux qui pourraient lire dans cette convention un projet pré-fusionnel. Ce serait malheureusement ignorer tout un pan de cette convention qui a conduit les 9 élus d'opposition au conseil d'administration de l'Université de Strasbourg, Cisnessup, Insgen, Incgt, Inunef, à se prononcer résolument contre cette convention d'association. La raison principale était la suivante, l'adossement très fort de la convention au contrat de site Alsace adopté en mars 2013, soit avant la loi Fioraso. Ce contrat de site Alsace comporte des dispositions qui excèdent de loin la convention d'association. Ainsi, par exemple, la convergence des fonctions support et de la politique des ressources humaines, la coordination et la mutualisation de la gestion administrative et juridique, du patrimoine, de la politique numérique, de la communication et des systèmes d'information. Tout ceci traduit un projet qui aura un pouvoir fort de restructuration sur tout l'enseignement supérieur et la recherche en Alsace. Ainsi encore, le flou que le contrat entretient sur la nature et les compétences de l'instance de pilotage de la politique de site. Et on a eu un grand problème, on a mené un combat fort contre ça sans obtenir gain de cause. À la lecture du contrat, il est bien difficile de déterminer qui de l'UNISTRA ou d'un fumeux comité de pilotage du cluster, c'est le dada d'Alain Berets, le cluster, il en rêve depuis 2009, il l'a réalisé. Donc il est difficile de déterminer qui de l'UNISTRA ou de ce comité de pilotage du cluster définira les orientations stratégiques du site. Il est question, je cite, d'une gouvernance du site regroupant les quatre établissements signataires sans que la nature de cette gouvernance ne soit précisée. Il est également singulier de voir que le cluster serait doté d'une capacité de lancer des appels à projets. Mais l'instance de pilotage du cluster n'a aucune définition juridique précise. Elle ne saurait avoir non plus le statut de personne morale. La forme cluster est par ailleurs absente, vous savez, de la loi de juillet 2013. Donc on a une bizarrerie en Alsace, comme d'habitude. Par ailleurs, la politique de site est construite sous l'identité Université de Strasbourg. Bien plus, je cite la convention cette fois, le pilotage de l'association s'appuie principalement sur le comité de pilotage de la politique de site telle que définie dans le contrat de site Alsace. Donc vous voyez la force de l'adossement. Ce comité de pilotage est compétent pour fixer les priorités d'action, proposer les évolutions et valider les propositions à soumettre aux conseils respectifs des universités. Alors certes, les CA respectifs restent souverains et il n'y a pas d'instance unique comme dans une commune, mais quand même ce comité de pilotage pourrait avoir une fonction d'orientation non négligeable. Son caractère informel, et c'est peut-être en cela qu'il est dangereux, c'est ce caractère informel, semblable à tous ces groupes de pilotage qui sont multipliés ces dernières années dans nos établissements, ne nous épargne pas les risques de prise de décision en comité très restreint. Un mot pour, non pas conclure, mais ouvrir. Cette présentation était probablement, évidemment, incomplète, probablement lacunaire, mais je crois que il y a certains trous qui pourraient être bouchés dans le dialogue. Je pense qu'un projet confédéral de type associatif ne sera conforme aux valeurs de démocratie universitaire et de collégialité que nous cherchons à défendre que si l'on sort du cadre de l'actuelle politique de site. Et pour cela, il faut évidemment revoir la loi Fioraso de 2013, qui est la loi la plus nocive, la plus dangereuse qui ait jamais été conçue pour l'enseignement supérieur et la recherche. La stratégie qui consiste à vouloir l'amender pour résoudre ces contradictions et la rendre pleinement compatible avec un modèle confédéral ne saurait nous exonérer d'un combat prioritaire contre la régionalisation et la SNRI. La spécialisation intelligente et la négation de l'intelligence universitaire. Aucun compromis n'est possible avec ce qui, en quelques années, est en passe de détruire irrémédiablement ce que 8 siècles d'universités européennes auront permis de construire et de préserver précieusement. Je vous remercie.